Bosco Douiman. Merci de nous rejoindre sur Lusanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Environ 400 personnes sont sans abri depuis deux semaines déjà suite aux inondations sur les avenues 9, 10 et 11 de la colline Roussiga en zone Chivitoke de la commune Rugombo. C'est dans la province de Chivitoke. Les produits Braroudi manquent au pays. On n'a pas encore d'explication de la part de cette entreprise. Et la zone Nyangé en commune et province Makamba bat le record du concubinage avec 60 cas déjà enregistrés sur 5 collines des 6 qui la composent. Ce lundi, le gouverneur de la province Makamba a suspendu de ses fonctions le chef de colline Nerouremba alors que deux personnes ont été arrêtées. Voilà pour le sommaire. Environ 400 personnes ont fui leur ménage depuis deux semaines suite aux inondations dues à la forte pluviosité et des eaux d'irrigation des champs sur les avenues 9, 10 et 11 de la colline Roussiga en zone Chivitoke, commune Rugombo. C'est dans la province de Chivitoke. Ses habitants qui vivent pour le moment dans des tentes demandent au gouvernement et aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Tarsis Nakirutimana, chef de colline, affirme que ces personnes vivent dans de mauvaises conditions. On fait le point avec Jean-Marie Mayonga. Ces habitants disent que leurs maisons ont été détruites par les inondations, d'une part, et des eaux provenant des champs de riz. Ils expliquent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de place disponible pour dormir. Quand nous avons acheté ces terrains, il n'y avait pas d'inondation. On commence à nous dire que ce sont des places où on cultivait du riz. Nous ne voyons pas où placer nos familles qui passent la nuit dehors. Nous vivons dans des conditions difficiles et nous n'avons pas où survivre. Nous sommes dans une situation difficile. Nos enfants, une fois tombés malades, nous n'avons pas de moyens pour les faire soigner. Vraiment, plaidez pour nous afin qu'il y ait des bienfaiteurs qui nous viennent en aide. Ils demandent au gouvernement de leur trouver une autre place ou chercher comment empêcher les eaux provenant des champs de riz de continuer à les menacer. Que le gouvernement utilise tous les moyens pour nous aider, car les eaux en provenance des champs de riz nous menacent beaucoup. Que l'État nous considère comme d'autres citoyens. Nous demandons à l'État de trouver une stratégie pour empêcher ces eaux de nous menacer, sinon de nous trouver une autre place. Tarsis Nakirutimana, chef de la colline, affirme que ces citoyens vivent dans des conditions difficiles et demande au gouvernement et aux autres organisations de leur venir en aide. Ces inondations qui ont causé le déplacement de ces habitants sur la colline Roussiga ont été observées il y a deux semaines. Jean-Marie Mayonga, nous reparlerons des sans-abri qui ont trouvé leur maison démolie. Là, nous sommes au quartier Mugoboka, en commune Kanyosha de la province Bujumbura. Mais avant cela, les produits Braroudi sont devenus rares ces derniers jours dans des débits de boissons de Bujumbura. Leurs gérants disent qu'ils travaillent à perte, que ce soit les cabaretiers ou les consommateurs de ces produits. Tous demandent à la Braroudi de trouver une solution à cette pénurie. Évariste Zikobanyanga. Cette pénurie des produits Braroudi dans les bistrots de différents coins de la capitale économique Bujumbura vient de durer plus de 3 mois et s'empire ces derniers jours, d'où l'on ne trouve aucune variété Braroudi dans plusieurs bistrots. Certains cabaretiers de la zone Rohiro, en commune urbaine de Mukaza, disent qu'ils travaillent à perte alors qu'ils doivent payer l'impôt, les salaires et les loyers. Nous travaillons à perte et ne parvenons pas à payer les salaires et les loyers. Les clients ne parviennent pas à consommer les brochettes lorsqu'ils ne trouvent pas les produits Braroudi. Les loyers de ces maisons sont exorbitants. Nous payons l'impôt à l'OBR et les taxes municipales. Nous payons à chaque mois les loyers alors que nous travaillons à perte. Ce ne sont pas seulement les cabaretiers qui s'indignent contre cette pénurie des produits Braroudi. Les consommateurs de la Sainte-Mousse disent qu'ils peinent pour trouver la bière au prix officiel. Moi, je consomme de la Amstel et pour la trouver, je dois patrouiller. Et là où je la trouve, elle coûte entre 4 000 et 5 000. On ne sait pas le problème que la Brarudi a rencontré. Que ce soit les consommateurs des produits Brarudi, que ce soit les propriétaires de débits de boissons, tous demandent à la Brarudi de trouver solution à ce problème. Nous demandons à la Brarudi de tout faire pour trouver solution à ce problème, pour qu'elle puisse travailler comme avant et afin que nous soyons tranquilles. Nous demandons à la Brarudi de disponibiliser tous les produits pour que nos clients trouvent quoi étancher leur soif. C'est ce qui va attirer nos clients. La pénurie des produits Brarudi vient s'ajouter à celle d'autres produits de première nécessité, comme celle du sucre Sosumo, celle de l'électricité, celle de l'eau, ainsi que celle des devises, selon les habitants de Bujumbura, la capitale économique. Évariste Nzikobanyanka, je venais d'y faire allusion. Les habitants de la cellule de Seruko, quartier Mugoboka, en commune Kanyosha de la province de Bujumbura, demandent à toute âme charitable de leur venir en aide. Leurs maisons ont été démolies suite aux larges fissures des collines. L'administration à la base affirme avoir déjà recensé à peu près 100 familles ayant quitté leur parcelle. Abraham Ndiwenu Muryango, un des responsables collinaires, s'indigne du manque d'abri pour ceux qui perdent leur maison d'habitation. En reportage d'Omer Ndouayou. La cellule Bisekuro du quartier Mugoboka 2 se situe sur la colline Sororezo. Elle est limitée par la rivière Nahangwa au sud et séparée du quartier Sororezo par la route passant à côté de l'école fondamentale de l'église adventiste et la zone Muyira au nord. La cellule Bisekuro est composée d'à peu près 1500 ménages. Selon l'administration à la base, la grande partie limitrophe du quartier Sororezo, juste au centre de la cellule Bisekuro, à environ 1 km de la rivière Nahangwa, est la plus menacée. Les habitants de cette localité prennent le risque de marcher au-dessus de larges fissures qui s'y sont naturellement formées. Les champs de culture sont également menacés. Le peu d'habitants qui y restent se trouvent dans la désolation totale. Ma maison s'est effondrée vers minuit. Nous dormions avec les enfants. Je ne suis embauché nulle part. Je n'ai pas de moyens pour me débrouiller. Le pire encore, ces habitants sont heurtés au prix exorbitant du loyer pour déménager. Nous n'avons pas de moyens pour le loyer. On me demande entre 400 et 500 000 francs. C'est pas facile. La maison que j'occupais auparavant ne m'a coûté que 40 000 francs bon. Et s'est effondrée. Cherchant un autre loyer, on m'a demandé 100 000 francs par mois. Tenant compte de ma capacité, j'étais pas à mesure. Selon Abraham Diwenu Muyango, l'un des élus locaux, près de 100 ménages ont déjà quitté leur domicile depuis l'apparition de ce phénomène le mois de février dernier. Ça a commencé petit à petit. Des fissures ont démoli quelques maisons. Aujourd'hui, toute la cellule est affectée. Plus de 90 ménages ont déménagé. Ces familles n'ont pas d'abri. Certains des membres de ces familles dorment à la belle étoile. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. De même que les habitants de cette localité, Abraham Diwenu Muyango demande à toute âme charitable de leur venir en aide. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Deux personnes de la zone Nyangé en commune et province Makamba ont été arrêtées et le chef de la colline Rurimba suspendu de ses fonctions ce lundi par le gouverneur de cette province. À l'origine, ce sont les problèmes liés au concubinage dans cette zone où 60 cas sont déjà enregistrés sur 5 collines des 6 qui la composent. Le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Makamba, estime que la solution durable à ces problèmes est de faire retourner chez elle toute femme épousée en violation de la loi. Il propose que la campagne commence par cette zone. Élisée Cuisère. Ces femmes de la zone Nyange, dans la commune et province de Makamba, solamente des traumatismes qui leur sont infligés par leurs conjoints, et mènent une vie critique suite au concubinage. Une de ces femmes grogne qu'elle n'a plus droit sur la production agricole. À part qu'elle est traumatisée, elle déplore que chaque fois qu'elle récolte, son conjoint prend toute sa production agricole et s'en va, alors que c'est elle seule qui suit pour cette production. Dans cette zone, la pratique du concubinage est devenue une habitude et certains des natifs doutent que les rapports donnés par les administratifs collineurs ne seraient pas conformes à la réalité. Après différentes lamentations selon lesquelles les femmes subissent des traumatismes psychiques, voire physiques, des personnes ayant été pointées du doigt dans cette pratique ont été arrêtées en raison d'enquêtes. Le chef de la colline Ruremba, Cassien Diokubwayo, a été suspendu de ses fonctions. Celui-ci ne remplit pas ses obligations, a dit le gouverneur de la province Makamba. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Makamba, Claver Saouchimike, trouve que la solution efficace à ce problème est de faire retourner chez elle toute femme épousée en violation de la loi et propose d'ouvrir la campagne par cette zone. Selon les rapports déjà fournis par les administratifs collineurs, 65 cas de concubinage sont déjà enregistrés pour 5 collines sur 6 qui composent cette zone. La colline qui occupe la première place dans cette pratique est celle de Kirare avec 33 cas. La pratique de concubinage se parle aussi dans d'autres communes de cette province. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci Élisée. Pour boucler ce journal, avant la chronique santé, un sexagénaire enseignant aujourd'hui en retraite en commune Kayanza fabrique des craies et pratique aussi l'agriculture des champignons. Évariste Naoumenia, c'est de lui qu'il s'agit, à embaucher des jeunes qui affirment qu'ils gagnent beaucoup de ces activités. Tarsis Ndikoumana, vice-président de la coalition des syndicats des enseignants Kosesona, encourage les retraités à entreprendre des projets de développement. Patrick Saint-Guillaume. Ce sexagénaire retraité qui pratique du tissage, qui fabrique des craies et qui pratique aussi la culture des champignons indique qu'il a commencé ses activités génératrices de revenus avant la retraite pour compléter le salaire qu'il percevait mensuellement lorsqu'il était encore au service. Il fait savoir que l'argent qu'il gagne de ses activités lui permet de faire vivre sa famille, de se développer et payer aussi les frais de scolarité de ses enfants. Quand Nindy Violet était la femme de ce tisserand, de même que les jeunes qui étaient en situation de chômage avant d'être embauchés dans l'atelier de Naoumenia Evariste, tout apprécie que ces activités de développement leur ont permis de trouver de l'emploi qui leur permet de trouver des moyens de satisfaire certains de leurs besoins fondamentaux et réaliser de mini-projets de développement. Son retraité tisserand Agathe Nkoumine, province Kayanza, indique que les défis auxquels il fait face et le bon déroulement de ses activités sont surtout le manque des devises et la fermeture des frontières rwando-burundaises, ce qui fait qu'il s'approvisionne difficilement aujourd'hui en des matières premières. Ndikoumana Tarsis, vice-président de la coalition des syndicats des enseignants Kosesona en Sigra Kayanza, fait savoir que les enseignants aujourd'hui en retraite vivent dans des conditions difficiles. Il y trouve lui que pour que les retraités puissent s'y vivre et réaliser aussi de mini-projets de développement, ils devraient toucher des frais de pension égaux au salaire qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient encore au service. Vous saurez que plus d'un parmi les anciens fonctionnaires de l'État aujourd'hui en retraite grognent que les frais de pension qu'ils touchent ne leur permettent pas de satisfaire les différents besoins de leur famille. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. Les coliques du nourrisson sont caractérisées par des pleurs survenant le plus souvent après la tétée et apparaissent souvent à partir de la troisième semaine après la naissance. Le pédiatre Félix Harerimana explique que ces crises surviennent soudainement et que certains facteurs dont l'immaturité intestinale justifient ces douleurs. Les enfants qui ne sont pas exclusivement allaités sont les plus touchés par ces coliques. Ornella Mocho. La colique du nourrisson est une douleur abdominale intense qui apparaît quelques semaines après la naissance. Selon les explications données par le pédiatre Félix Harerimana, les coliques se caractérisent par différents signes, comme des crises de pleurs survenant le plus souvent après la tétée ou le biberon. Ce sont des crises de pleurs récurrentes et régulières chez un bébé. Au moins 3 heures par jour, 3 jours par semaine, pendant plus d'une semaine. Et ça survient souvent en fin de l'après-midi et dans la soirée. Normalement, les coliques du nouveau-né ou du bébé, du nourrisson, ce n'est pas une pathologie. Ça survient surtout chez un enfant qui se porte bien portant. Ça survient chez un enfant qui ne chauffe pas. Ça survient chez un enfant dont la croissance est normale. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de ces coliques, notamment les enfants allaités artificiellement. Les recherches au Canada ont retrouvé une immaturité gastro-intestinale. Troisièmement, les allergies alimentaires, surtout les enfants qui ne sont pas exclusivement allaités, dont l'allaitement est associé au lait de vache, peuvent avoir des allergies. Et on a trouvé 2 à 3% des bébés font des allergies au lait de vache. Et cela peut entraîner des douleurs intestinales. La migraine de la mère pourrait aussi favoriser l'apparition des coliques, selon quelques hypothèses déjà avancées. Et quatrièmement, les recherches ont montré qu'il y a une relation entre la migraine des mamans avec les coliques des nouveau-nés. On a trouvé que plus de 60% des enfants qui font les coliques, les recherches ont montré que leurs mamans font des migraines régulièrement. Enfin, le syndrome du bébé secoué. C'est-à-dire, un bébé secoué peut avoir après des coliques, c'est-à-dire liées aux douleurs non encore localisées, mais quand même, le syndrome aussi a montré que ce sont des enfants qui peuvent pleurer pendant plusieurs mois. Le pédiatre Félix Halelmana expliquera dans notre prochaine chronique santé les stratégies et les moyens à utiliser pour soulager les coliques du nourrisson. Merci pour toutes ces précisions. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Isanganiro.